Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Fais attention à toutes les prophéties que tu reçois ces derniers temps. Est-ce que tu sais que le diable se déguise en ange de lumière? Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent venir pour te séduire. Il faut avoir le discernement et prier l'Éternel pour qu'il te donne la sagesse afin que tu arrives à discerner les prophéties. La Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. » Opération sous la brèche. Juges 10, 1 à 18. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire Juges 10, 1 à 18. Après Abimelech, Tola, fille de Pua, fille de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui s'éleva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr et situées dans le pays de Galade. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez le Dieu que vous avez choisi. » qui vous délivre au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne-nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des monts d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, le chef de Galade, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galade. » Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons réaliser que les hommes sont passagers sur la terre. Quelles que soient les responsabilités que nous occupons, nous devons savoir non seulement que nous sommes passagers sur la terre, étrangers, nous mourrons un jour et que nous pouvons abandonner même le poste que nous avons. Regardez ici, il y a une succession de juges en Israël qui ont régné et qui sont passés. C'est pourquoi lorsque tu occupes un poste de responsabilité à quelque niveau que ce soit, ne fais pas le mal. Attache-toi à Dieu. Sache qu'un jour, tu vas mourir. Sache qu'un jour, tu vas laisser ce poste-là et quelqu'un d'autre va te remplacer. Sur la terre, nous ne sommes que passagers, mais nous passerons l'éternité avec Dieu si nous connaissons Jésus, mais aussi en enfer, dans le tourment éternel, si nous ne connaissons pas le Seigneur. Regardez ici ce qui est dit. On dit, après Abimelech, Ton, la fille de Pua, fille de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait Shamir dans la montagne d'Éphraïm. On dit, il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et il fut enterré à Shamir. Et après lui, on parle d'un certain Jaïl le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Lui aussi mourut, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous sommes étrangers. Nous devons apprendre à préparer là où nous passerons notre éternité. Deuxième vérité, la colère de l'Éternel s'abat contre tous ceux qui se livrent aux pratiques idolâtres. Il n'est pas bon aujourd'hui de se livrer à l'idolâtrie. Oh, c'est malheureux de voir aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui pratiquent le mysticisme, l'occultisme. Tu ne peux pas être pasteur et chercher l'onction ailleurs, chercher à faire tomber les gens, chercher à adhérer dans le mysticisme. Non, mon frère, tu ne peux pas mélanger Jésus-Christ et Bélial. La Bible nous dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Bélial? Je parle à quelqu'un, toi qui n'as pas encore abandonner la sorcellerie, tu viens toujours à l'église, tu as même des postes de responsabilité, tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit, il te donne un temps pour que tu arrives à te repentir. Répends-toi. Dieu s'est fâché parce que les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel. Ils se sont livrés à d'autres dieux. Il est dit au verset 6, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de Phidamon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel lui seul. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu as des choses attachées dans le vent, quand tu as des choses attachées au niveau des seins, des pentacles bizarres, des chaînettes, je ne sais pas, qui sont venues d'où, on te dit que c'est ça qui donne la force, la puissance. Ça ne vient pas de Dieu, ce sont des pratiques idolâtres. Tu t'es livré à d'autres divinités. Quand on te dit que tu dois prier à des heures précises, à minuit, à 2 heures, en allumant des bougies, quelqu'un t'a dit il faut prier avec des habits d'une certaine couleur. Mon ami, si tu es parti quelqu'un, même s'il te dit qu'il est pasteur, prophète, sache que ça, ce sont des pratiques de mysticisme, d'idolâtrie. Ce n'est pas un bon lieu, ce n'est pas l'église. C'est un endroit où on veut t'initier dans les pratiques mystiques. Il faut quitter là-bas. Ce sont des pratiques qui irritent Dieu. Et chaque fois, quand nous nous livrons à ces pratiques-là, Dieu va nous livrer, vous voyez ici, entre les mains de l'ennemi. Il est dit au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Et comment se manifeste la colère divine ici? Il y a deux choses. Il y a l'oppression. C'est-à-dire, quand tu te lances à ces pratiques-là, les démons, le pouvoir satanique vont t'opprimer. Tu peux attraper des maladies bizarres si tu es un homme, hein, tu es un père de famille. Tu, sans le savoir, tu peux livrer tes enfants. Nous voyons des familles aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vient d'obtenir une grande nomination, un grand poste, mais vous voyez en même temps, peut-être le même mois ou bien la même année, un de ses enfants attrape, devient dingue ou bien devient détraqué mental. Parfois, sans le savoir, c'est la conséquence de l'adhésion à certains milieux où vous avez vendu votre âme, où vous avez vendu même l'âme de vos enfants, de votre famille. Parce que la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Comme tu te livres à ces choses, Dieu te livre et maintenant ces puissances vont t'opprimer. Il est dit au verset 8, ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Et il y a aussi la détresse. Le verset 9 dit, les fils d'Ammon passèrent les Jourdains pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin, contre la maison d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Troisième vérité, la repentance est la voie obligé pour expérimenter la délivrance. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se sont livrés dans les pratiques de mysticisme, tu es parti adorer les bois sacrés, les forêts sacrées, tu t'es livré dans un mouvement où tu as donné des cotisations, tu as même des livres bizarres qu'on t'a donnés. Mon ami, tu peux être délivré, mais il faut la repentance. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, tu rêves des morts, des esprits des morts, ton papa qui est mort, la vieille qui est mort, il y a des esprits qui t'oppriment. Mais pour que tu sois délivré, écoute-moi bien, il faut te repentir. Sans la repentance, là, tant que tu cacheras certaines choses, tant que tu ne voudras pas abandonner certaines pratiques-là, tu ne peux pas être délivré. Tu peux aller d'église en église. Pour que les enfants d'Israël soient délivrés, ils se sont repentis. Ils ont commencé par reconnaître. Quand on se repent, il y a deux choses importantes. Il faut d'abord reconnaître ses péchés. Vous voyez ? Il est dit au verset 10, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Quand on se repent là, il faut même reconnaître les péchés en disant, « Seigneur, ce que j'ai fait là, j'ai menti, j'ai commis la débauche, l'impudicité, j'ai adoré tel Dieu et ça t'a irrité. Seigneur, je me repens de ça, je reconnais que j'ai mal fait. » Et la deuxième chose, il faut poser des actes de repentance. Le verset 16 dit, « Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des monts d'Israël. » Lorsque tu dis que tu te repens là, les canaris que tu as encore en dessous de ta chambre là, il faut les apporter chez un pasteur, il faut les briser. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu dis que tu te repens, tu sortais avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu dois maintenant décider de te séparer. Est-ce que tu comprends? C'est ça la repentance. Tu ne peux pas venir chez un homme de Dieu, on prie pour toi, et quand tu reviens toujours à la maison du même monsieur. Non, les démons là vont retourner. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi beaucoup de gens n'expérimentent pas la vraie délivrance. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Je parle à toi, tu n'es pas sincère. Oui, ma sœur. Combien d'églises tu as parcouru? Tu es parti voir d'église en église, tu cherches les prophètes. Tu penses que c'est avec l'argent que tu auras la délivrance? On t'a dit qu'il faut donner une enveloppe de 100 000 francs. On t'a demandé de donner l'enveloppe, je ne sais pas, de 500 dollars, de 500 euros par-ci, par-là. Mon ami, tant que tu ne te repens pas, tu ne vas pas expérimenter la vraie délivrance. Débarrasse-toi. Il y a des choses que tu portes là qui irritent l'Éternel. Il y a même parfois des habits. Si le Saint-Esprit te dit que les habits que tu portes là, quelqu'un t'a donné les cadeaux et ce sont des choses sur lesquelles on a fait des incantations. Tant que tu ne vas pas te débarrasser de ces choses-là, ça attire encore les démons. Tu vois, la repentance. Il faut ôter certaines choses dans ta vie pour que le Seigneur se manifeste puissamment. Que son nom soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Ces cantiques en lingala, Nzambe Yatango Nyonso, veut dire le Dieu de toute éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzambe Yatango Nyonso. Chantons. Zombie, you're a zombie, a zombie, you're a zombie, you're a zombie. Père, je joue éternellement. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Zambi, Yuzali, Zambi, Yatango, Nyonsa. Zambi, Yuzali, Zambi, Yatango, Nyonsa. Zambi, Yuzali, Zambi, Yatango, Nyonsa. Zambi, Yuzali, Zambi, Alléluia. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Il nous aime. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Le seul vrai Dieu. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Juges chapitre 10, 1 à 18. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir la brièveté de la vie. Nous devons réaliser que nous sommes passagers. Regardez, il y a toute une succession de rois, de juges qui ont régné en Israël, mais qui sont passés. Prions le Seigneur, afin qu'il nous aide nous tous à réaliser que nous sommes étrangers sur cette terre et qu'un jour nous mourrons, et que Dieu nous aide à préparer notre éternité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, que ton nom est grand, que ton nom est infiniment grand. Ce matin, nous nous tournons vers toi pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Toi qui es notre bouclier, toi qui es notre gloire, toi qui relèves notre tête. Nous nous tournons vers toi ce matin pour reconnaître la brièveté de la vie. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes sur cette terre juste pour un temps. Et nous demandons au Père éternel que tout au long de notre séjour sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, tu veilles sur nous, tu nous sécurises, tu nous protèges. Aide-nous, ô Père éternel, à préparer l'éternité avec toi. Aide-nous, ô Père éternel, à accomplir notre mission pendant que nous sommes sur cette terre. Aide-nous, ô Père éternel, à reconnaître que nous sommes étrangers. Nous sommes ici juste pour un temps et que nous allons passer l'éternité avec toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous demandons, Père éternel, que l'humilité soit toujours notre portion, que nous soyons exemplaires partout où nous allons. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, ô Père éternel, parce que nos adversaires, nos ennemis, quels que soient les plans, quels que soient les projets contre nous, ils ne prévaudront jamais. Nous élevons ton saint nom et nous te disons merci pour la sécurité que tu nous donnes, pour la garantie de la vie éternelle que tu nous donnes et pour notre conscience de la brièveté de la vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous venons de voir que la colère de l'Éternel s'abat contre toutes les pratiques d'idolâtrie, d'occultisme. Et ces pratiques conduisent à l'oppression, à la détresse. Prions pour tous ceux qui se sont livrés à ces pratiques-là, afin que le Saint-Esprit les aide réellement à abandonner ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour nous repentir dans le nom de Jésus-Christ, afin que l'oppression de l'ennemi cesse au nom de Jésus et que nous expérimentons la vraie délivrance. Croyons à la véracité de ta parole. Ce que tu dis est la vérité, puisqu'elle est la lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Et tu nous encourages à la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, notre Dieu, notre Père, aurait d'adorer le Créateur. Beaucoup se sont mis à adorer la créature, les bois, les rivières. Et ils ont pris ces choses-là comme leur Dieu. Notre Dieu, c'est une rébellion contre toi. C'est s'opposer à toi. C'est te dire que tu n'es pas puissant. C'est ta créature. Ce matin, nous voulons recommander ces hommes qui se sont rabaissés. Celui qui est créé à l'image de Dieu, à celui-là qui Dieu a nommé administrateur de sa créature, se détourne de lui pour servir le diable et ses suppôts. Nous te demandons pardon ce matin. Nous crions vers toi pour que ces hommes se détournent maintenant et se tournent vers toi. C'est pourquoi tu nous dis dans Proverbes 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se répande, qu'il soit sauvé. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la repentance est importante pour connaître la délivrance. Lorsque tu as commis un péché, tu dois non seulement reconnaître les péchés, mais tu dois surtout accepter d'abandonner. Prions pour les personnes qui souvent n'arrivent pas à prendre la décision d'abandonner. Peut-être toi-même, tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là. Ça fait longtemps que tu pries seulement. Que Dieu te donne maintenant la capacité de prendre une décision, de te débarrasser de ces péchés-là. de te débarrasser de ces puissances mystiques. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, dans le mysticisme, qui sont en contact avec l'évangile, que Dieu les aide à aller en profondeur pour renoncer totalement à ces pratiques-là, à renoncer à tout ce qui les mettait en contact avec les esprits méchants, afin qu'ils expriment la délivrance au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le Dieu saint, le Saint des saints est ton nom. Et les anges, chaque jour devant ta face, t'adorent et en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu hais le péché, tu aimes le pécheur et tu hais le péché. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, le vrai repos vient de toi. Voilà que nous les hommes que tu as fait, que tu as donné sagesse et intelligence, tu as donné la capacité de reconnaître que tu es le seul véritable Dieu et que tu es saint et que nous devrons vivre dans la sanctification et que tu ne nous as point appelés à l'impureté mais à la sanctification. Nous nous sommes retournés pour adorer, oui, la créature. Nous adorons les choses viles, les choses mortelles. Nous sommes souvent dans le mysticisme. Nous faisons confession de te connaître, mais nous te renions par nos œuvres, étant abominables. Aucune bonne action ne vient de toutes nos pensées. Père, nombreux sont dans l'église et sont dans les œuvres mystiques. Nous voulons renoncer à cela. Papa, je prie que quelqu'un prenne la décision d'abandonner son péché qui l'entretient. Merci d'aider quelqu'un à sortir de son péché. Sanctifie quelqu'un, libère quelqu'un, délivre quelqu'un, guéris quelqu'un ce matin. Et que, Seigneur, totalement nous soyons dignes de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.